Bonjour à toutes et tous. Donc déjà, merci de l'invitation. On est très content de venir discuter avec vous de notre sujet. Je le dis tout de suite, on n'est pas du tout spécialiste des religions, comme tu l'as rappelé, Sylvaine. Mais on a fait une recherche sur le jeûne, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on imagine qu'on peut tisser des liens et discuter avec vous. Donc on s'est intéressé à la promesse du jeûne, qui est une promesse réémergente, qu'on va essayer de vous le montrer, hein, puisque c'est une vieille promesse, mais qui réémerge sous une forme assez différente aujourd'hui. C'est un terrain assez fertile pour nous deux, puisque c'est à la croisée de nos centres d'intérêt. Donc Sébastien, il est sociologue de la santé. Moi, je suis sociologue de l'alimentation. Et donc, on s'est intéressé à cette promesse du jeûne. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est sur la trame d'un article qu'on vient de terminer, qui sera publié au mois de juin, donc dans la revue d'anthropologie des connaissances, sur cette promesse réémergente du jeûne. Alors, réémergente pour plusieurs raisons. Donc, la première, et pour faire le lien direct avec cette journée, vous le savez certainement, c'est que dans toutes les religions, le jeûne, il est appréhendé comme une pratique d'autocontrôle et de transformation de soi. Vous voyez ici cette peinture que vous connaissez, j'imagine, hein, celle de Bruegel sur ce qu'on appelle le combat de carnaval et de carême, qui incarne assez bien justement cette dichotomie entre deux styles de vie. Hein, quelque part, à gauche, une vie tournée vers le plaisir, c'est incarné par l'auberge qui est tout à gauche, ce monsieur qui circule avec un tonneau de vin, la débauche quelque part. Et puis à droite, plutôt l'observance religieuse, la règle, avec la chapelle, en termes d'alimentation, le poisson plutôt que la viande, etc. J'ai mis toutes les religions, bien sûr c'est discutable, mais vous savez que dans plein d'autres de ces religions, notamment monothéistes, le jeûne justement est une pratique très importante pour faire pénitence, etc. Religion, mais aussi politique, donc bien sûr la figure de Gandhi qui est extrêmement importante sur ce sujet. Encore plus près de nous dans le temps, qui en découle, c'est les grèves de la faim, qui sont un moyen politique extrêmement fort et très usité. Et puis le dernier aspect sur lequel c'est réémergent, c'est encore une fois, encore un peu plus près de nous, c'est le côté médical. Donc nous, c'est par là qu'on est rentré en fait sur le jeûne. Ici, vous avez une photo qui date de 1954, qui est assez emblématique de cette appropriation médicale du jeûne, de la pratique du jeûne pour des raisons de santé préventive ou thérapeutique. Et donc là, c'est des médecins suédois qui ont décidé de marcher, d'organiser une marche 520 km entre Göteborg et Stockholm en ne faisant que jeûner et à l'eau. C'est important à l'eau parce que vous allez voir que dans les formes plus récentes du jeûne, en général, on s'autorise quelques prises de calories pour justement atténuer certains effets négatifs du jeûne. Et donc là, c'était une manière vraiment de montrer d'une part que c'est possible et d'autre part d'attirer l'attention sur des médecins, donc le côté très officiel, qui attire l'attention sur la pratique du jeûne comme non pas alternative, mais potentiellement intéressante. Alors pour l'heure, très rapidement, on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais c'est très controversé d'un point de vue médical aujourd'hui, la pratique du jeûne, parce qu'on n'arrive tout simplement pas à prouver son efficacité, ni préventive, ni thérapeutique, à quelques exceptions près. Hein, il y a par exemple une méta-étude qui a été faite sur la rhumatoïde comment elle s'appelle ? Elle est grave en tout cas. Elle est très grave. Elle fait très mal aux articulations. Non, bref, donc c'est la seule pathologie chronique, on va dire, dans laquelle le jeûne a été montré qu'il avait une action efficace. Ce qu'on peut dire, c'est que, peut-être pour relativiser un peu ces déboires scientifiques ou médicaux, c'est que dans notre un pays voisin, l'Allemagne, le jeûne est beaucoup plus pratiqué. Vous avez peut-être vu ce documentaire qui est un des best-sellers d'Arte des dernières années. Où l'Allemagne est vraiment présentée comme le pays où on jeûne beaucoup, 15 à 20% de la population aurait jeûné. Et puis surtout, nous, ce qui nous a interpellés, c'est que des cures de jeûne, notamment thérapeutiques, sont prescrites par la médecine officielle et prises en charge par la collectivité. Donc là, on voit un peu aussi toute la dimension culturelle de l'institution médicale. J'en arrive au point qui nous intéresse et que nous, on a vraiment étudié, c'est le côté plutôt mise en marché du jeûne, donc que vous avez peut-être entrevu dans ce documentaire Arte. Donc le jeûne, il a vraiment réémergé sur cette forme qui nous intéresse ici depuis les années 90, encore plus 2000, sous la forme de stages qu'on appelle jeûne et randonnée. Hein, c'est une association aujourd'hui, il y a même une fédération française de jeûne et randonnée, le logo qui est en bas à droite. Des stages qui existaient déjà depuis longtemps, notamment en Allemagne, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, et qui sont arrivés en France par ce monsieur qui a en haut là, de la slide, hein, Gisbert Bolling, un Allemand, persuadé justement de l'impact intéressant du jeûne sur la santé, Et qui va proposer ça dans un cadre plutôt hippie, donc c'est peu considéré au début. Hein, c'est, ça fait, ça porte l'attention est portée par la Midi-Luve, donc parce qu'on a l'impression que ces stages de jeunes et randonnées pourraient être une dérive sectaire. C'est comme ça que ça entre un peu en scène sur le côté public. Et voilà le concept en quelques mots. L'idée, c'est de partir pour le prix d'une semaine de vacances à l'étranger, dans une résidence souvent à la campagne. Et pendant une semaine, on va arrêter de manger. La semaine précédant cette semaine de vacances, entre guillemets, s'appelle la descente alimentaire. Donc on commence à réduire petit à petit certains des aliments pour n'arriver la veille du jeûne que de manger des fruits et des légumes, des bouillons, voilà. Et on a une semaine où on ne va plus rien manger si ce n'est de prendre un jus de fruits le matin et un bouillon le soir. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, c'est ce type de jeûne s'appelle le jeûne Buchinger, du nom d'un médecin allemand qui a découvert que en prenant ces 250-300 kcal par jour, ça atténuait certains des effets négatifs du jeûne strict à l'eau, notamment des fortes nausées, des maux de tête, etc., etc. Donc c'est le jeûne qui est vendu en France aujourd'hui dans ces stages de jeûne et randonnée. Et puis, en général, le dernier jour du stage, on recuisine ensemble, parce que c'est aussi une idée de réapprendre à cuisiner, il y a une dimension très morale dans ces stages. Et le dernier jour, on cuisine ensemble et on prend le dernier repas ensemble avant de repartir chez soi. Donc là, on fait une reprise alimentaire qui est l'inverse de la descente alimentaire. On recommence par des bouillons, des légumes, etc. Dans cette semaine-là, il y a tout un tas d'activités qui justifient un petit peu le prix quand même, qui fait qu'on fait du yoga, de la méditation. Il y a quelqu'un qui est agréé pour faire un guide de montagne, par exemple, ou pédestre, de randonnée pédestre. Et le soir, il y a des conférences. C'est extrêmement important parce que, encore une fois, pour le côté très moral, il y a cette idée qu'on fait une pause dans laquelle on se repose, on est attentif à son propre corps, mais on va aussi réapprendre à manger. Et nous, l'une de nos hypothèses, c'était de voir comment ces stages d'une semaine, qui sont quand même relativement brefs, peuvent constituer un déclencheur pour des changements de pratique plus durables. Et je te passe la parole. Déjà. Alors, après cette présentation... juste présenter le cadre un petit peu dans lequel on a appréhendé cette pratique. Donc comment des sociologues arrivent à s'intéresser à un sujet aussi micro que le jeûne, hein, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va pouvoir faire carrière avec quelque chose comme ça? Est-ce qu'on va pouvoir publier, enfin, donc en fait la pratique du jeûne, il faut pas la voir comme une pratique isolée chez nous, c'est plutôt une des manières de que l'on a d'observer ce qu'on essaye de monter en termes de notre programme de recherche, qui serait un programme de recherche sur l'optimisation de soi. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est toutes les idéologies, les promesses, les technologies qui nous offrent la possibilité de nous optimiser. Alors, on le prend au sens premier du terme, hein, comme il est utilisé notamment abondamment dans le sport, puisque moi aussi, je suis sociologue du sport à l'INSEP, par exemple. Donc là-bas, on utilise beaucoup le mot optimisation. Donc l'idée, c'est de faire tout un programme de recherche sur l'optimisation de soi, comme une idéologie, une morale, un processus comme ça, des injonctions qui nous sont transmises. Et ce qui nous intéresse, c'est bien sûr de voir comment les gens résistent à cette injonction à l'optimisation, puisque nous aussi, nous sommes victimes de ces injonctions à l'optimisation. En tant que chercheur, on demande de publier énormément, deux fois le même article, et en même temps. Donc, comment les gens peuvent résister, quelque part, à ces injonctions, et qu'est-ce que ces injonctions font aux individus. Donc, dans ce cadre-là, on va sortir un numéro spécial de la revue Ethnologie française en septembre, qui porte sur l'optimisation de soi. Donc c'est un morceau du programme. Et nous, pour quelque part lancer ce programme, on s'est intéressé notamment aux jeunes, parce qu'il nous est apparu que cette nouvelle technique de soi, quelque part, ce renouveau, nous permettait de regarder de manière marginale la manière dont un certain type de population tentait d'améliorer au quotidien son corps, peut-être même son esprit, sa manière d'aborder l'alimentation, et donc l'abondance, la surabondance. Donc c'est ça que, pour replacer le jeûne dans ce programme plus général, qui est celui... Alors, d'un point de vue plus problématique, on s'intéresse beaucoup à la question des promesses. Donc bon, je ne vais pas faire un cours sur la sociologie des promesses, mais l'idée, c'est que ce qui nous intéresse d'abord, c'est tous ces discours, hein, qui agissent sur nous, la manière dont ces discours sont agencés. Donc ce qui nous intéresse, c'est les assemblages comment dans un même discours on peut à la fois mobiliser une référence ésotérique, une référence religieuse, une référence scientifique, de l'épigénétique, du chamanisme. Donc c'est ce mélange de discours qui nous intéresse. Là où on les trouve, nous, on y va. Ça nous intéresse. Voilà. Quand quelqu'un mêle tous ces discours-là, ça nous intéresse parce qu'il nous semble, en tout cas on fait l'hypothèse, que c'est une des marques de notre postmodernité. Hein. C'est pour ça qu'on s'est amusé à faire du transhumanisme à main nue, quelque part. Il nous semble qu'il y a quelque chose, il y a une sorte d'assemblage comme ça qui se fait et qui est d'autant plus robuste que cet assemblage permet notamment de répondre à la critique. C'est-à-dire, quand on critique une technique comme la technique du jeûne, du genre c'est dangereux, attention, c'est des charlatans, attention, c'est un mouvement sectaire, hop, on sort la dernière publication dans le New England Journal of Medicine de biologie sur le vieillissement qui parle du jeûne. Vous voyez, donc on peut jouer sur tous les tableaux. Tableau scientifique, tableau ésotérique, tableau religieux, tableau moraliste, tout ce que vous voulez. Donc c'est ces assemblages-là qui nous intéressent. Nous, on est très attentifs à ça. Donc on fait une sociologie de la promesse. Une sociologie de la promesse, pas comme elle est quelque part réalisée dans les STS, pour ceux qui ont... Enfin, c'est eux qui ont quelque part parlé de la sociologie des expectations. Hein. Nous, on parle de sociologie de la promesse parce que ce qui nous intéresse, c'est à la fois de regarder la puissance du discours, mais aussi ce qu'il rencontre. Et ce discours n'est puissant que s'il rencontre, quelque part, des attentes, des volontés, des désirs, des ambitions. Il faut qu'il y ait un partage entre le discours de la promesse et les attentes du public. Et c'est ce point de frottement qui nous intéresse. À la fois comme la possibilité d'une sorte de morale, d'idéologie qui nous écraserait, mais aussi qui quelque part déclenche en nous des sortes de résistances, des mises à distance du discours qui sont libératrices ou émancipatrices. Peut-être je coupe, mais sur l'assemblage, je vous avais montré la photo de Gisbert Bolling. On l'a choisi pas par hasard, cette photo, parce que il incarne à lui seul et lui-même se définit comme un 68ard. Et si vous regardez cette photo précisément, il porte une montre connectée hors de prix qui lui permet d'avoir un GPS, etc. Et donc c'est une des premières choses qui nous a interpellés chez lui, parce qu'il était capable de mobiliser ce discours dont tu parlais, par exemple l'épigénétique, ou de parler de Walter Longo qui incarne le mouvement de la biologie du vieillissement, qui mobilise le jeûne de manière très forte et qui publie dans les grandes revues légitimantes, et en même temps de parler de l'amour, un assemblage de discours extrêmement fort. Ou d'écrire dans un livre, par exemple, que certaines personnes, j'y reviendrai après, mais vivent dans le monde sans manger. On appelle ça le pranisme. Donc cette personne-là, là, que vous voyez, qui est à l'origine de ce mouvement-là, elle peut, dans le même discours, dans le même livre, vous parler de la biologie moléculaire qui se développe en Californie, de la religion de Gandhi et du pranisme, qui est vraiment quelque chose qui est à l'extrême, qui est toujours observé de manière très attentive par ceux qui s'intéressent aux sectes. Voilà. C'est cet assemblage-là qui nous intéresse parce qu'il nous semble marquer quelque part une forme de modernité. Pour la méthodologie, bon, je passe vite, après tout, vous regarderez l'article si vous intéresse. Donc, tout ce qu'on va vous dire là, ça va apparaître dans un article dans la revue d'anthropologie des connaissances en juin, ça. Ouais. Donc, vous pourrez revenir sur ça. Mais l'idée de travailler la promesse, on s'est surtout axé sur le discours qui était retranscrit dans les sites qui font la promotion de ces stages de jeûne et randonnée. Hein. Principalement. Un gros travail qu'a fait Tristan, notamment. C'est très difficile à faire. On a une nettographie, comme on dit maintenant. Quelque chose comme ça. Donc, je l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est les assemblages argumentatifs. Là, j'évoquais le pranisme comme un horizon mystique. C'est celui qui va arriver à se libérer de la faim, quelque part, il pourrait devenir... s'il se libère vraiment, il pourrait vivre sans manger. Donc il y a des gens comme ça qui circulent sur Internet, à travers YouTube, et qui sont des incarnations, quelque part, de cette capacité à vivre sans, de lumière, quelque part. Et la biologie du vieillissement. On va passer aux trois axes en fait qui nous paraissent être, pouvoir rendre compte de ce discours-là, de cet assemblage-là. Donc on a choisi trois axes. Le premier axe, c'est un axe politique. Le deuxième, c'est l'exploration. Bon, il est moins évident. Troisième, l'ascétisme. On finira par celui-là parce qu'il est, vraiment en accord avec la journée. Alors, ce qui nous est apparu dans l'analyse de cette promesse, en premier lieu, c'est la dimension politique du jeûne. Bon, on l'a vu avec Gandhi, évidemment, jeûner, ça, c'est une manière de protester. Mais là, pour ce qu'on a regardé, c'est-à-dire la pratique du jeûne par des individus qui ne sont pas forcément engagés dans une lutte politique, on s'est aperçu quand même que l'idée de jeûner, c'était une forme de manifestation dans sa cuisine. On peut le voir comme ça, on peut le lire comme ça. Donc on vous invite à manifester dans votre cuisine. Autrement dit, on vous invite à résister à la surabondance, à la perte quelque part du goût par surabondance des goûts, des offres, des choses comme ça. Donc il y a un premier acte politique qui est celui du refus. L'idée, c'est quand même de se libérer de la faim. Parce que la première découverte des jeûneurs, c'est qu'on peut ne pas manger. Ce qui est quand même... pour la plupart des gens, une question que tout le monde se pose, c'est sous la forme d'un risque, on se dit, est-ce qu'on peut ne pas manger? Et en fait, physiologiquement, on peut ne pas manger pendant 40 jours. Donc ça, c'est connu depuis très longtemps. Jésus l'a fait plein de fois, les chrétiens aussi. Bah. Et on peut faire plein de types de... Mais en tout cas, 40 jours, c'est bizarre, ça tombe sur 40 jours, les physiologistes travaillent très fort et ils retrouvent le même chiffre que le carême. Bon, mais en tout cas, si on est en bonne santé, on peut à peu près vivre. Donc l'idée de jeûner, c'est d'éprouver cette capacité qu'on a à se libérer de la surabondance, de la plénitude, comme ça. Donc quelque part, c'est une invitation à faire comme Illich, qui nous invitait dans les années 70, à faire des jeûnes technologiques. Il dit, si vous voulez vraiment vous approcher de la vertu, parce que lui aussi utilise le terme de la vertu, si vous voulez vraiment vous rapprocher de la vertu, mettre à distance quelque part votre vie, la technologie, tout ce qui peut vous esclavagiser, il nous invitait à faire des jeûnes technologiques. Parce qu'il avait très peur qu'on soit aliéné par les technologies, et que cette aliénation nous transforme quelque part la vision qu'on avait de la vie. Il luttait contre le consumérisme, et donc il nous invitait à faire des ascèses comme ça. Bon, quelque part, on voit bien que la pratique du jeûne, l'avantage, je dirais, de cette technologie, qu'on apprend comme une technologie de soi, c'est qu'elle est transmissible. C'est-à-dire, une fois que vous avez appris à jeûner, qu'on vous a sécurisé sur la possibilité de jeûner, vous pouvez non seulement le faire chez vous, dans votre cuisine, ce qui nous intéresse, donc c'est protester dans sa propre cuisine, mais surtout, vous allez devenir, de fait, parce que vous incarnez la possibilité de le faire auprès de votre entourage, tous ceux qui l'ont fait s'aperçoivent qu'ils deviennent des exemples, des modèles, deviennent des prosélytes, quelque part, par le fait même qu'ils l'ont fait, qu'ils incarnent la possibilité, qu'ils ont mis en danger leur corps pour le faire. Ce qui nous intéresse aussi dans cette dimension politique, parce que nous, ce qui nous intéresse énormément, c'est le quotidien. Nous, on a envie de revenir à une sociologie du quotidien, en se disant que, quelque part, s'il y a des lieux de résistance, ce qui nous intéresse le plus en tant que sociologue, c'est cette résistance qui peut se construire au quotidien. Et bien sûr, l'alimentation, dans cette perspective, elle est intéressante, parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait trois fois par jour, voire quatre fois, ça dépend si on grignote. Et donc on peut résister quatre fois par jour. Donc l'idée, c'est de se rapprocher du quotidien, et forcément, la nourriture, c'est le lieu par excellence d'une possibilité de politisation de son quotidien. Et là, par la négation même de la nourriture, on politise éminemment son quotidien. On lutte contre l'hypercroissance, on fait de la décroissance dans sa cuisine. Bon, dans notre papier, bien sûr, on parle du jeûne comme une technique de soi. Là, je ne vais pas faire un cours sur Focteau, mais c'est assez évident. C'est dans le sens où le jeûne, au-delà de l'ambition, c'est-à-dire tenir une semaine, c'est avant tout un processus. La dimension processuelle du jeûne nous paraît essentielle pour comprendre l'attrait, quelque part, de cette promesse. C'est que faire un jeûne, c'est éprouver le plaisir de se contrôler. Donc là, on se rapproche quelque part de l'anthropologie du corps qui est développée dans toute la sociologie de l'anorexie, hein. C'est-à-dire le plaisir de l'autocontrôle, qui peut devenir une pathologie. Ce plaisir-là, on l'éprouve par l'ascèse. Et donc, quelque part, ce qui est plus important, ce n'est pas de tenir une semaine, c'est d'éprouver le plaisir à pouvoir se contrôler, et à pouvoir contrôler quelque chose qu'on ne semblait pas pouvoir contrôler, c'est-à-dire la faim. Je vous laisse lire la citation de Canguilhem que j'aime beaucoup, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en pratiquant le jeûne, on a l'impression de pouvoir dépasser quelque part, de pouvoir produire une santé libre, ce qu'appelait Canguilhem une santé libre, hein. D'atteindre un état que l'on ne pensait pas pouvoir atteindre auparavant, c'est-à-dire exprimer un potentiel. Donc exprimer un potentiel, c'est là pour nous qu'on se rapproche du transhumanisme. J'y reviendrai dans l'exploration. Moi j'en ai un peu parlé, j'ai parlé de manière un petit peu, sans préciser que c'était un concept, de l'incarnation. Alors ça c'est un concept qu'on a développé avec Boris Auret dans un texte de 2018. C'est l'incarnation, on avait besoin d'un concept, déjà pour, on se plaît tous à inventer des concepts, bon ils ne sont pas tous repris, c'est comme les livres, hein. tout le monde ne les lit pas, tout le monde ne nous cite pas, mais c'est le jeu. Mais l'incarnation ici c'était la nécessité de dire, voilà, en ce moment, dans le domaine de la médecine, il y a des techniques qui circulent sur Internet, et ces techniques, elles circulent pas seulement parce qu'il y a de l'evidence-based medicine derrière, c'est-à-dire des chiffres, des dispositifs scientifiques, mais elles circulent aussi parce qu'il y a des gens qui se mettent en danger, qui expérimentent et qui se montrent sur YouTube et disent, voilà, regardez, ça marche. Bon, le jeûne, par exemple, c'est exactement ça. Mais on peut aller voir tout ce qui est le biohacking, tout ce qui est de l'ordre des techniques amélioratives. Nous, on a un article, par exemple, sur le microdosage de LSD qui est très pratiqué en Californie dans le milieu artistique, tout ça. Bon, tout ça, ça se fait sur Internet par une forme d'incarnation. Cette incarnation, c'est vraiment ce que Foucault qualifiait de parésia. C'est-à-dire, je dis vrai parce que j'ai mis mon corps en danger. Je dis le vrai parce que j'ai mis mon corps en danger, et parce que ce que j'ai dit a un retour sur mon corps possible, c'est-à-dire la mise en danger de mon corps. Bon, ici, il y a, bien sûr, on s'aperçoit que les gens qui pratiquent le jeûne se mettent en danger. En tout cas, ils ont l'impression qu'ils se mettent en danger, puisqu'ils ont peur d'arrêter de manger. Ce qui fait que tous ceux qui ont pratiqué le jeûne, ensuite, incarnent ensuite cette promesse, et quelque part, participent à sa diffusion. Deuxième registre. Oui, parce qu'il faut aller assez vite. Deuxième registre, avant de passer au dernier registre ascétique, c'est celui de l'exploration. Alors, dans le vocabulaire qui est utilisé pour vendre cette promesse-là, on a souvent une métaphore du voyage. Jeûner, c'est faire un voyage. Jeûner, c'est l'idée de la bulle aussi, hein, c'est ça ? Donc, j'ai pas sortir du flux. J'en ai pas parlé, mais c'est l'idée de rentrer dans une bulle, ou plutôt de sortir d'un flux. Le flux de la modernité, vous voyez, c'est les sociétés qui s'accélèrent, Rosa, tout ça. Donc l'idée de jeûner, c'est de se construire une bulle et de sortir du flux. Et de permettre, par ce petit voyage, qui est tout le temps présenté sur la métaphore du voyage, de permettre une exploration de soi. Alors une exploration de soi, de ses sensations, de ses émotions, de son corps, c'est-à-dire se recentrer sur son corps, ce qui est quand même pas si évident pour la majorité des gens. C'est-à-dire qu'on fait du sport, tout ça, on est très centré sur son corps, on est dans une lecture de son corps journalière, de ses blessures, de tout ça. Mais celui qui fait pas de sport et qui a une vie, je dirais, normale, comme la mienne, par exemple, il n'écoute pas, enfin voilà, sauf quand il est malade, voilà, mais sinon il n'écoute pas vraiment son corps. Là, on est invité par les massages, par les discours, par le temps que l'on a, puisqu'on n'a pas grand-chose à faire, puisqu'on ne mange plus, on est invité à reprendre conscience de son corps. Donc c'est un premier voyage, une sorte d'initiation, un retour comme ça au plaisir du corps, aux sensations, une nouvelle écoute. C'est aussi une invitation à l'expérimentation. Et là, l'expérimentation, elle est assez évidente. C'est-à-dire que le discours, c'est de vous dire, tous les animaux jeûnent, tous les mammifères jeûnent. S'ils jeûnent, c'est parce que physiologiquement, raisonnement darwinien, ça sert à quelque chose. Si ça sert à quelque chose, ici, c'est l'hypothèse de l'auto-guérison. C'est-à-dire que quand on se met en position de jeûne, il y a un dispositif d'auto-guérison qui se mettrait en place dans le corps et qui réparerait les cellules. Bon, tout ça reste à démontrer, bien sûr. Mais c'est ça. Donc il y a l'idée de faire cette expérimentation de soi-même. C'est d'explorer ses capacités biologiques. Mais ici, ce n'est pas de rajouter un morceau comme dans le transhumanisme, on rajouterait un troisième bras ou un quatrième œil ou des choses comme ça. Là, l'idée, c'est de faire du plus avec du moins et de retrouver quelque part notre état originel, c'est-à-dire l'état du chasseur-cueilleur. Hein? Ce qui est visé ici, c'est de revenir au modèle, quelque part à la figure idéale typique de l'homme, c'est avant le néolithique, c'est-à-dire la physiologie du chasseur-cueilleur. Le chasseur-cueilleur, parce qu'il était confronté à des périodes de disette, ou plutôt, je vais dire autrement, notre physiologie, parce qu'elle est largement construite sur la vie du chasseur-cueilleur, notre physiologie est adaptée à la disette. Or, la surabondance qu'on connaît, c'est ça le discours, hein, elle n'est pas bonne pour notre santé, en fait. Manger tous les jours, ce n'est pas bon. Notre physiologie a été faite pendant des milliers d'années pour résister à des périodes de disette. Donc, quelque part, vivre normalement en accord avec la nature, c'est recréer des périodes de disette. C'est ça le discours. Donc, la référence, là, c'est pour ça qu'on s'amuse, nous, à parler de jeûneur-cueilleur, hein, c'est la référence, c'est ça, c'est... Être postmoderne, quelque part, c'est faire le lien entre une critique de la modernité et revenir à la physiologie du chasseur-cueilleur, par le jeune. Donc c'est cette exploration-là qui est vendue. C'est-à-dire, vous allez faire, quelque part, vous allez explorer les potentialités de votre corps, mais ces potentialités-là, ce n'est pas quelque chose qu'on va ajouter, c'est quelque chose que vous allez redécouvrir. Vous allez redécouvrir le potentiel, votre capacité à jeûner, à réparer votre corps en jeûnant plusieurs jours. Voilà. Alors, ce qui nous a. Alors, bien sûr, là j'ai parlé beaucoup du corps, mais quand on parle du corps ici, c'est vraiment une démarche holistique. Hein. Tout ce discours issu des naturopathes, il est très holistique. Alors, quand je parle du corps, je devrais parler de l'esprit en même temps, parce que jeûner, c'est vendu aussi comme un moyen d'atteindre un état de conscience modifié, qu'on peut obtenir avec des drogues, avec qu'on fait à tous les voyages qui se font au Mexique pour prendre de la ayahuasca ou des choses comme ça. Donc on est exactement dans le même dispositif, puisque quand on jeûne, on a évidemment, enfin, ça a été prouvé, on est dans un état de conscience modifié. Donc si on va se balader dans la nature, on a un rapport à la nature qui est totalement modifié, surtout si on n'a jamais été avant et qu'on n'est pas un spécialiste de la nature. Mais donc c'est pour ça qu'on parle de sentiments océaniques, hein, c'est que on reprend le ado, là, c'est l'idée que voilà, ça favorise quelque part cette rencontre avec la nature. Donc ça, nous, ça nous intéresse énormément parce qu'on voit ça comme une technique d'optimisation qui est l'ensauvagement quelque part. C'est retrouver un lien direct à la nature, c'est retrouver sa vraie nature en se mettant en contact de la nature. Et la vraie nature, vous savez, j'en ai déjà parlé, c'est la physiologie du chasseur-cueilleur. Si vous lisez le film, le livre Sapiens, qui a fait un énorme carton, je sais pas, de Harari, hein, qui est une sorte de vulgarisation de l'histoire de l'humanité, il y a un gros passage sur le chasseur-cueilleur, et donc Harari, il nous dit vivre de manière moderne, c'est avoir l'impact, le même impact que le chasseur-cueilleur, c'est-à-dire aucun impact sur la planète. Il nous dit l'escroquerie vient après le néolithique, quand on commence l'agriculture. Donc, quelque part, on pourrait dire que dans le jeûne, il y a une sorte de retour de cette figure du chasseur-cueilleur, qui serait une des modalités que l'on pourrait avoir de circuler dans la modernité ou la postmodernité. Bon, j'en ai parlé aussi. Donc, il y a aussi ce petit argumentaire, c'est-à-dire vivre comme vous vivez en ce moment, c'est utiliser de manière sous-optimale votre biologie. Parce que, comme on est fait pour des périodes de jeûne, là, vous êtes en train de ne pas utiliser la plénitude de votre potentialité. Donc, on produit du plus avec du moins, c'est ça qui nous a intéressé, c'est pour ça qu'on a appelé ça transhumanisme à main nue. Il y a bien l'idée de retrouver l'optimalité physiologique du chasseur-cueilleur. Alors j'ai parlé du spirituel tout à l'heure, l'état de conscience modifié, je vais juste finir là-dessus, mais donc l'idée c'est aussi de renouer entre l'esprit et le corps, bien sûr, par ces exercices spirituels, ces exercices physiques, hein, ces exercices sur le corps, donc de renouer le contact entre les deux. Et là, on s'amuse avec le gymnasium, bien sûr, chez les Grecs, c'est le lieu à la fois de l'exercice spirituel, mais aussi philosophique et de l'exercice du corps. Donc on voit bien qu'ici, on nous vend aussi quelque chose qui est très connu. Enfin, on ne fait que nous revendre des scènes, des lieux, des usages du corps ou des préparations du corps. Il suffit de relire le texte de Foucault sur les techniques de soi, on verra bien qu'on a... On nous revend à chaque fois les mêmes choses, les mêmes types d'exploration, les mêmes retours vers soi-même, ici, teintées de science, de néo-spiritualité et de transhumanisme au sens d'aller plus loin, de se prémunir de la maladie, de mieux vieillir, des choses comme ça. Donc les gens qui, bien sûr, consomment ce genre de techniques sont plutôt des gens qui ont éduqué, qui ont de l'argent, payé pour ne pas manger, c'est plutôt rare. Donc ça s'adresse quand même à une population très spécifique. On n'est pas là dans une pratique populaire. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Donc nous, on sollicite Sloterdijk, comment il s'appelle ? Sloterdijk. Ah, Dijk, voilà. Sloterdijk pour parler quelque part de cette sécularisation des pratiques. Hein. On pourra en discuter, je ne sais pas à quel point ça vous convient comme citation, mais ça nous... Enfin, dans son livre qui s'intitule « Tu dois changer ta vie », qui, quelque part, c'est un titre de livre de développement personnel, c'est assez marrant, il fait cette hypothèse-là, c'est que, quelque part, il y a un attrait dans nos sociétés pour la 16. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je vais te laisser la parole pour parler finir sur la 16. Pour finir sur la 16. Donc, la 16, l'ascétisme, donc ouais, c'est l'idée que l'expérience du jeûne, elle, comme tu l'as déjà dit, hein, qu'elle permettrait d'éprouver, d'améliorer sa capacité de... contrôle de soi d'une part, de contrôle du corps aussi. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle les somatic societies. Hein, donc c'est l'idée que le corps, il occupe désormais une place centrale dans la construction identitaire. Donc c'est comme ça que nous, on fait le lien au transhumanisme. Je le redis encore une fois, mais c'est que cette idée, vous le savez, hein, d'atteindre un corps de plus en plus perfectible, customisable, optimisable. Et l'originalité de ce qu'on voit dans cet objet qui est le jeûne, c'est qu'au lieu d'ajouter une technologie, comme c'est souvent le cas, tu parlais du quatrième œil ou du troisième bras, c'est l'originalité de la promesse ici, c'est d'augmenter de la même manière ses capacités, qu'elles soient cognitives ou physiques, d'optimisation en tous les cas, mais non pas par le recours à la technologie, mais plutôt par du moins, c'est-à-dire par ôter quelque chose de son quotidien, en l'occurrence l'alimentation, en tout cas en laissant faire. Cette idée de laisser faire, c'est, je vais peut-être vous montrer quelques citations après qui sont utilisées dans les sites internet, mais où on voit vraiment que c'est ce terme-là qui est souvent utilisé. Laisser faire, pour une fois, laissez-vous faire, laissez faire, etc. Avec l'idée que votre corps est capable de prendre en charge cette amélioration ou cette optimisation. Donc c'est là l'originalité, je le redis, de cet objet, nous, tel qu'on le voit. Bon, il y a plein de citations. Alors il y a évidemment celle-ci qui est très attendue, hein, un esprit sain dans un corps sain. Qui marche relativement bien pour en l'occurrence. C'est aussi le lien avec le corps-projet, donc là le concept des anthropologues, hein, c'est cette idée de vraiment améliorer sans cesse le corps. Donc là on est encore une fois dans une manière d'accéder à cette amélioration. L'idée de la 16 qui nous a interpellés, et donc là c'est peut-être là qu'on peut commencer à dialoguer avec vous, c'est qu'on y repère au moins deux aspects ou deux temporalités dans cette 16. La première, c'est que, peut-être comparativement à la religion, c'est que la 16, elle est mobilisée comme un moyen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Alors, on a étudié les témoignages, on ne l'a pas encore dit, mais on a aussi beaucoup étudié les témoignages qui sont sur les sites, encore une fois, comme une forme d'incarnation, sont là pour rassurer les gens, mais aussi promouvoir la pratique. Et dans ces témoignages, on retrouve, même si ce n'est pas l'essentiel, tout de même des gens qui viennent pour maigrir. C'est-à-dire des hommes, des femmes, c'est plutôt une moyenne d'âge 40-50 ans. Donc des hommes et des femmes qui ont envie de perdre quelques kilos, qui sont poussés par des amis. Donc il y a tout un tas de critères comme ça qui sont mobilisés et en l'occurrence qui sont plutôt faits pour accéder à quelque chose. Je dis, bah tiens, je vais prendre une semaine pour moi, je suis sûr que ça va être sympa, peut-être je vais rencontrer des gens, mais la visée première, c'est soit perdre du poids, prendre un peu de vacances pour me préparer, parce qu'il y a aussi cette idée préventive de se préparer avant un gros rush du boulot, par exemple. Ça, comme c'est des cadres en général et assez haut placés en termes intellectuels et économiques, on retrouve aussi cette justification, faire un stage de jeûne pour se préparer à une période de rush. Et on voit bien que le jeûne, souvent, en tout cas à la première fois, il est mobilisé comme une fin, un moyen. On vient pour chercher quelque chose et on espère l'atteindre. Et dans tous les témoignages qu'on a étudiés, le basculement qui est observé, c'est que les gens découvrent quelque chose et ils y reviennent pour la fin que ça incarne. C'est-à-dire que le stage est perçu comme un moyen d'accéder à perte de quelques kilos et les gens reviennent ou le refont chez eux pour le processus dans lequel qu'ils ont découvert, qui leur a plu et la technique qu'ils ont acquise justement au cours de cette période. Donc c'est ça qui est le basculement de la du moyen à la fin, il est assez manifeste dans tous les témoignages qu'on a pu étudier. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette recherche du jeûne justement et de la cesse du jeûne comme fin? C'est l'idée d'une source de sensation, un plaisir en soi aussi. Alors il y a plusieurs temporalités, je le disais, ce plaisir il peut être immédiat, c'est-à-dire on est là et au fur et à mesure de cette semaine de jeûne, on découvre une expérience fantastique, hein, tout le monde est assez en extase devant la capacité du corps à générer un tel état de conscience modifié, à résister à ces injonctions à manger qu'on a depuis petit, etc. C'est une attention au corps nouvelle, c'est-à-dire comme tu le disais Sébastien, c'est une semaine au cours de laquelle on vous demande d'être attentif à votre corps et vous avez le temps de faire ça tout le temps. Hein, tous les jours, et c'est assez rare finalement. Donc ce processus d'une semaine-là, il est assez innovant quelque part dans notre quotidien. Et puis c'est le plaisir de l'exercice, tout simplement. Hein, on est là tous les jours, on nous demande de faire du yoga, de marcher, d'être à l'écoute de notre corps, d'en discuter le soir, de faire valoir nos sensations, nos émotions. C'est quelque chose de très nouveau. Et ce qu'on remarque, c'est que ce qui reste de l'expérience, c'est cette ascèse vécue comme une fin en soi. Deuxième temporalité, c'est qu'au-delà de l'aspect immédiat, du plaisir qu'on peut éprouver à cet exercice-là, c'est qu'il y a un plaisir qui peut être différé et qui est très mobilisé à la fois dans les témoignages, mais aussi dans l'argumentaire déployé, dans la rhétorique déployée. C'est la redécouverte des goûts alimentaires qu'on peut réacquérir après une semaine de jeûne. C'est des choses qu'on retrouve très classiquement vous savez peut-être dans les années 90, qui restent encore aujourd'hui, mais c'est un peu plus vieux, c'était ces modes de faire des cures de raisin, des choses comme ça. Et les gens faisaient souvent ça pour une raison particulière, comme je l'ai exprimé, maigrir en général, se nettoyer l'intérieur, et souvent le refaisaient parce qu'elles avaient découvert une nouvelle potentialité qui est de découvrir un nouveau goût, de redécouvrir les sensations gustatives après une semaine d'abstinence. Donc ça, c'est très marqué, comme je le dis, à la fois dans les témoignages et à la fois dans la rhétorique déployée. Donc c'est le plaisir du contrôle alimentaire en soi, hein, mais aussi différé. Donc regardez ces quelques extraits, moi que j'aime assez bien, qui sont issus de quelques-uns des sites promoteurs. Jeûner, c'est aussi renouer avec vos sens pour des plaisirs décuplés. Donc là, on est plein dans la promesse, hein, et pas à très long terme. Hein, c'est venez, et dans une semaine, vous allez découvrir quelque chose de nouveau en vous. Et puis cette deuxième, qui est quand même assez géniale. Chez nous, le jeûne est épicurien, gastronomique et bio. Donc là, on est clairement dans un site culinaire, sauf qu'on vend un stage d'une semaine où on ne va pas manger. Alors ce qu'on n'a pas précisé, qui est assez pour vous dire à qui ce type de promesse s'adresse, c'est que les deux tout petits repas qu'on va prendre dans ces journées-là, donc le jus de fruits le matin et le bouillon le soir, sont évidemment bio. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une promesse qui s'adresse à des personnes qui sont sensibilisées à cette et qui sont déjà réflexives sur cet aspect alimentaire. Voilà, donc je reviens peut-être pour boucler, puis on va conclure là-dessus, puisqu'on arrive à la fin du temps imparti. Peut-être terminer sur Illich, parce que comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, cette idée de jeûne technologique, je crois qu'il y a un parallèle qui est assez manifeste avec le jeûne alimentaire cette fois-ci, ou le jeûne de bien-être comme il est souvent appelé. Hein, donc l'idée de faire du plus avec du moins, nous, c'est vraiment ce qui nous a sauté aux yeux. C'est repris dans quelques-uns des argumentaires qu'on a vus aussi à l'étranger, donc c'est cette formule « less is more », donc je crois que ça explique vraiment bien, enfin ça incarne vraiment bien ce mécanisme. Donc pour conclure et surtout pour lancer la discussion peut-être, c'est cette idée de, nous qu'on retient et qu'on aimerait partager avec vous, cette idée de l'ascétisme qui est vécue à la fois comme un moyen et comme une fin, et surtout comme un processus, hein, c'est vraiment cette idée qu'on retrouve à la fois dans les techniques de soi, le jeûne technologique, et ça, je crois que c'est ça le point commun, c'est cette idée de rentrer dans un processus, et c'est pas du tout d'opérer un basculement, mais c'est de rentrer dans quelque chose qui peut opérer un déclencheur de changement de pratique, notamment alimentaire, sur un plus long terme. Je le rappelle, il y a cette expérience qui est très forte, mais des conférences sur la nutrition le soir, enfin, il y a tout un tas d'équipements comme ça qui vient, on fait l'hypothèse, modeler à plus long terme notre rapport au corps et à l'alimentation de manière plus durable. Donc cette question, donc peut-être comment penser les exercices spirituels et peut-on parler de fait d'un ascétisme sécularisé, encore une fois pour peut-être terminer sur cette citation de Sloterdijk, où il nous invite justement à regarder ce vaste processus de massification de l'ascèse. Donc c'est peut-être sur ça qu'on voulait vraiment attirer l'attention sur le jeûne. Peut-être tu veux rajouter quelque chose ou... Non, on termine là-dessus. Parfait. Bon. Merci beaucoup pour votre attention.